Exercice 3. Bonjour, vous êtes bien chez Francoligne. Pour confirmer votre vol, tapez votre code de réservation. Pour des informations sur des vols, tapez 1. Si vous n'avez pas réservé, tapez 2. Si vous désirez autre chose, un de nos collaborateurs va prendre votre appel.